C'est la chronique Ligue nord-américaine de hockey avec Monsieur Ligue nord-américaine Gilles Péloquin. Salut Gilles. Hey, bonne journée. Gilles, c'était les assises de la Ligue nord-américaine de hockey qui se déroulaient hier. Bon, les budgets, semble-t-il que c'était ça a laissé pas mal d'inquiétudes au sein même des organisations de la Ligue nord-américaine. Assemblée biannuelle hier, oui, et il y en aura une autre mardi prochain. On va parler justement des budgets des équipes. Ce qui est la bonne nouvelle pour l'instant, c'est que l'on a su que les 6 équipes ont dit un oui pour revenir pour la prochaine saison. Ça inclut-tu Trois-Rivières? Oui, et je vais t'expliquer. Plus tard, on redonnait un vote de confiance à notre commissaire Richard Martel pour terminer son mandat, un contrat d'un an qui se termine avec les assises annuelles et le repêchage en juin prochain parce que, selon les dernières nouvelles, il n'y aurait pas d'élection avant le début de l'été au niveau fédéral au Fjord à Saguenay. Donc, il peut continuer le mandat et surtout, pour ce qu'on veut lui demander, et c'est ce qui a été redemandé hier, structurer donc la 6e ville, Trois-Rivières, et également y aller d'opérations de charme pour aller chercher 2 nouvelles franchises pour monter à 8 l'an prochain. Et en même temps, ça démystifie le 22 décembre dernier où une équipe Thetford et son représentant, Stéphane Cadoret, avaient demandé le départ de Richard Martel, mais personne d'autre n'avait appuyé la demande de Thetford, comme l'a rapporté M. Cadoret à sa radio de Thetford jeudi dernier lors d'un match de Thetford à Trois-Rivières. Et il voulait bien récidiver hier, mais n'a pas parlé. Et tout le monde a été unanime. On a besoin de Richard Martel. Il fait un bon travail. On le garde. Il continue. Et c'est ce que je trouve de merveilleux. Il pourra terminer son travail. Bon, Trois-Rivières dans tout ça, il y a plein de petits sondages, dont un avec Daniel Danny-Wellet. Moi, je l'ai sur passé, ça. Le web qui fait beaucoup jaser et rire en même temps. Il parle de la relocalisation de Trois-Rivières. Il est le seul, d'ailleurs, à parler de relocalisation parce que, dans les faits, Étienne Boileau a accepté, il y a déjà une semaine, par voie téléphonique, en meeting privé, avec les autres propriétaires et le commissaire et son directeur général et vice-président, M. Gilles Rousseau, de continuer, de terminer la saison. Et c'est ce qu'il va faire. Si on lit entre les lignes, et là on va y aller de manière objective, Danny, en étant de bons journalistes qui font leur travail de recherche, s'ils terminent l'année et risquent de payer encore plus cher un déficit, malgré tout, c'est qu'à l'autre bout, ben, tu lui promets un bonbon. Mmh. Et lorsque tu lui promets un bonbon, c'est-à-dire que la concession de Trois-Rivières, selon mes sources, va rester là pour l'an prochain. Lorsque M. Boileau va quitter à la fin de l'année, on va trouver un éventuel acheteur où il y aurait en ce moment 2 groupes potentiels qui aimeraient possiblement prendre la relève pour la prochaine saison. Et à M. Boileau, on va tout faire pour exaucer son vœu de première instance de 2017 qui n'a pas eu lieu et lui redonner la chance en 2018, soit la ville de Saint-Jean sur le Richelieu, où certainement que le commissaire a déjà des approches avec d'autres membres de la Ligue. Je pense à Christian Deschênes, des Éperviers de Sorel-Tracy, ville très près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Pendant ce temps, donc, ça donne la chance au commissaire Richard Martel de faire le vœu pieux des propriétaires, soit expansion, 8 clubs, peut-être 2 divisions de 4, mais 8 clubs, meilleur calendrier, on voit moins l'adversaire, où il n'y a pas cette bizarreté, comme exemple, Sorel joue 4 fois en un match en début de saison, octobre et début novembre contre Trois-Rivières, ne les voit pas pendant 3 mois et va terminer l'année avec 4 fois Trois-Rivières-Sorel dans les 9 derniers matchs. Donc, 8 clubs, c'est beaucoup mieux que 7 l'an dernier et on revient comme il y a 2 ans lorsque Cornwall et Laval étaient là. Bon, on parle de beaucoup de villes. L'ancienne Lorette, oui, c'est une ville qui est mentionnée et Saint-Jean, donc sur le Richelieu, devient cela. Ce qu'on peut lire aussi sur les tribunes de presse aujourd'hui, suite à cette soirée d'hier où quelques propriétaires se sont permis de parler à Rivière-du-Loup et également à Jonquière, c'est qu'il y a une 3e ville, Danny, dans le portrait pour l'an prochain. Et moi, si j'étais commissaire, je ne le suis pas, toi non plus. J'ajouterais peut-être une quatrième pour aider, et les deux du même coin de pays. Je sais pas si tu le vois venir. Oui. Berlin, aux États-Unis, qui a démontré de l'intérêt à revenir et à tenter sa chance une deuxième fois. Et moi, j'ajouterais, si Berlin est au New Hampshire, une ville qui a déjà connu du beau hockey junior au Maine, qui est une ville où il y a beaucoup de Québécois qui y habitent et de Franco-Américains, Lewiston, rappelle-toi des Maniacs, d'un certain entraîneur qui était Clément Jaudouin. Donc, quand tu arrives avec un produit, on avait parlé de Cornwall, ça n'avait pas marché, et on voulait travailler très fort avant que Cornwall quitte l'Ontario pour y ajouter Rockland. Parce qu'avec deux villes de l'Ontario, ça aurait été plus faisable le marché de la Ligue nord-américaine. Tu aurais pu jouer le samedi Rockland, dimanche Cornwall, ou vice-versa. Donc, moi, je dis, Berlin, on veut y revenir, on en parle en coulisses, ça semble être sérieux, on va laisser travailler les gens de la Ligue, faire le travail dans ce côté, Denis Leblanc et également Richard Martel. Mais pensez donc, Lewiston, Maine, ici, un gars qui connaît bien le junior majeur, c'est bien le commissaire Richard Martel. Moi, je pense que ça serait pas mauvais d'aller faire un petit coup d'œil, un petit coucou de ce côté-là, puis de dire, hey, ça serait le fun parce que les équipes passeraient par le Maine ou le New Hampshire un week-end et finiraient dans l'autre ville ou l'autre État. Ben, et là, tu boucles la boucle. Et là, c'est plus facile et plus rentable. Ça se prend. Écoute, il faut que tu aies un plan. Hein. Si jamais tu veux aller ouvrir un marché comme Berlin, il faut qu'il y ait une deuxième qui arrive. Tout de suite après. Tu peux pas. Deux, tu peux. Ouais. Et tu as parfaitement raison. Et moi, ben, c'est mon synopsis. Parce que je me dis, si tu commences le vendredi soir à Berlin, tu peux aller le samedi soir avec un match du côté de Lewiston. Tu as joué tes deux matchs. Tu as deux divisions à ce moment-là. Peut-être de 5 clubs au lieu de 4 à 10 clubs. Qu'est-ce qui arrive? Plus de ventes possibles à des commanditaires, plus de sérieux, une meilleure télé sur le web ou même des meilleurs marchés de médias. Et si c'est Berlin qui cogne à la porte, comme mes sources me disent, et non pas la Ligue qui y a pensé au tout début, au cours des derniers jours, ben c'est qu'eux, ils veulent. S'ils veulent pour une deuxième fois, on peut-tu les écouter, puis maudit, on peut-tu les amener dans la Ligue, là? Exactement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais on va les laisser faire, parce que tu sais que dans cette Ligue-là, ça parle beaucoup, il reste maintenant à agir. On verra ce qui va se passer, mais ça n'a jamais été aussi sérieux, et ça n'a jamais été aussi bon pour le commissaire de trouver pas deux, mais peut-être même quatre villes, et de statuer et de rentabiliser la ville de Trois-Rivières et de la garder en place. Pour l'an prochain. Edmundston, c'est une ville possible, potable? C'est pas loin de Rivière-du-Loup. Edmundston a connu beaucoup de hockey. Edmundston, au Nouveau-Brunswick, je te parle. C'est laquelle ville? Edmundston, Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes pour une raison, parce que c'est un peu éloigné. Ouais, mais c'est pas loin de Rivière-du-Loup, par contre. Pas loin. Ben, c'est pas loin de Rivière-du-Loup, mais c'est très loin de Jonquière. Ouais. C'est très loin de Sorel. C'est très loin également de Trois-Rivières. C'est peut-être moins loin de Thetford et de Saint-Georges. Mais encore là, c'est la distance. Bon, vous allez me dire Berlin. Vous allez me dire peut-être Lewiston. Ouais. Mais d'un autre côté, Thetford et Saint-Georges, tout comme, admettons, Saint-Jean à Évray, ben c'est beaucoup plus faisable. Sorel également. Moi, je suis à Sherbrooke, dans le canton de l'Est. C'est Lewiston, 3h30 de route. Je pense que Berlin peut être un 3 heures également, donc c'est très faisable. Edmundston, oui, il y a certainement des joueurs dans ce marché du Nouveau-Brunswick, mais combien ont fait régulièrement la Ligue nord-américaine? Pas beaucoup. C'est un potentiel, mais est-ce que le potentiel est aussi bon qu'on a en ce moment? T'avais toute une partie du Nouveau-Brunswick, c'est pour ça que je te parle de ça, mais il doit avoir une ligue comparable à la Ligue nord-américaine, mais au Nouveau-Brunswick. Hey, je veux te parler des budgets. Je veux revenir sur les budgets. Ça dit quoi? C'est sûr que... Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des équipes qui vont... La plupart des équipes vont faire leurs frais cette année? C'est quoi? C'est que ça dit là-dessus? Ben, Stéphane Cadorette a apporté un point dans son entrevue radio. C'est un des quatre propriétaires de Thetford. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Nous, à 940 en ce moment de moyenne, c'est pas le 1060 qu'on avait budgété ou le 1100 comme habituellement. Donc, il y a un manque à gagner. Si ça continue de même d'ici la fin, qu'on a, dans les 4-5 derniers matchs à jouer, on ne va pas chercher un plateau de 1060 et plus. Il parle de possibilité de 60 000 et plus de pertes avant série. Du côté de Trois-Rivières, on serait rendu avec un 468 dernièrement, un 310 une semaine plus tôt, une moyenne actuelle de 635. On avait budgété 850. On approvisionnerait les 100 000 de déficit en ce moment. Sorel se maintient. Saint-Georges a un manque de 300 spectateurs moyenne par match sur l'an dernier. Ouais. Jonquière a un moins presque 400. C'est sûr, Rivière-du-Loup est peut-être comme Sorel à flot, comment ainsi dire, en ce moment. Il n'y a pas tellement vite, peut-être deux pourraient peut-être ne pas perdre de sous. Quatre pourraient peut-être avoir des frais sous la barre qu'ils s'attendaient, mais pourraient se reprendre. Et on l'espère pour elles, ces équipes dans les séries. Mais il y a un moins 123 spectateurs par match moyenne dans la Ligue. Posez-vous des questions à ce sujet-là. Ça part des communications, ça part des médias, ça part du marketing, ça part de bien des choses, Danny. Ça, là, c'est à refaire. Cette saison, on a tout fait pour sauver une concession qui était la Ligue, avec une sixième ville, et on tente depuis le début d'octobre de sauver cette ville, Trois-Rivières. Là, on parle d'expansion avec deux et peut-être quatre clubs. C'est parfait, mais il faut solidifier la base, marketing, promotion et médias et communication. Et ça, je pense, il y a un manque flagrant au niveau de la Ligue. Ouais. Comment ça coûterait le prix d'expansion? Hein? On parle beaucoup d'expansion, puis d'expansion, puis d'expansion, mais je ne t'ai pas posé la question. Le prix d'une franchise, ça se situe à combien? C'est à peu près, je voyais à peu près 200 000 l'autre jour, que ça vaut un bonhomme à l'an, que ça vaut le prix de concession. Donc, est-ce qu'on peut passer 200 000 ou on va y aller pour plus mollo, 150 000? C'est quoi le prix juste c'est bien payé? C'est que j'avais avancé en disant qu'une franchise... je prends l'exemple, pour ne pas la nommer, mais on va la nommer, Trois-Rivières, ouais. Avec ses problèmes d'assistance, sixième et dernier rang, vaudrait peut-être un 65-75 000. Une équipe comme Jonquière, qui a deux championnats de saison de suite, un championnat de éliminatoire, qui a joué au cours des deux dernières saisons dans une moyenne de 1700 spectateurs, ben ça vaut peut-être un 150-175 000. Et au milieu de tout ça, des concessions comme Sorel et comme Rivière-du-Loup ou même Thetford et Saint-Georges pourraient valoir entre 135 et 150 000. Si tu la vends à un homme d'affaires dans ta propre ville, tu me suis. Ouais. Là, tu parles d'une équipe d'expansion. Ouais, ça arrive une nouvelle franchise comme Saint-Jean ou une nouvelle franchise comme l'ancienne Lorette. Je ne sais pas par cœur les chiffres officiels, ils peuvent changer. Mais ce que je savais il y a quelques années, c'est qu'une nouvelle concession... Je pense que tu peux déposer 25 000 pour l'obtenir sans aucun joueur, avant un repêchage d'expansion, un 5 000 pour ce que l'on appelle le cahier de charge pour te présenter, okay. Et tu as toujours ton 25 000 de bons de garantie que tu dois déposer, s'il n'y a pas de gaffe en cours de travail, en cours de temps que tu es là, ben ton 25 000 n'est pas touché, puis à la fin, on te le remet. Exemple, M. Lavertu qui a eu le Blizzard pendant 4 ans, même s'il a perdu 415 000 lorsqu'il s'est retiré et qu'a donné les clés, on lui a remis son bon de garantie de 25 000 qu'il a récupéré. En principe, une nouvelle concession, ça peut coûter 25 plus un 5 000 de bon de garantie, 30 000. Je suis pas trop loin, je pense, des chiffres. 30 000, OK. Donc, mais si tu achètes, par exemple, ouais. Une équipe comme Trois-Rivières, il peut te la vendre jusqu'à 150 000, il a le droit. C'est ce qu'il pense, le propriétaire. Et tu peux la déménager à Berlin, tu peux la déménager à l'ancienne Lorette, à la Tuc, à Lévis, à la Pocatière. Mais si tu prends un club nouveau d'expansion, je pense que c'est 25 000 plus 5 000 de bons pour entrer dans la Ligue et cahier de charge. La Tuc, c'est une ville qu'on n'a pas pensé, ça, mais c'est une ville qui pourrait être intéressante. Qui n'a jamais été nommée, mais ça pourrait être... Il y a des villes qui ont sondé le terrain. On pense que Basse-Laurentide, à défaut de Laval, que tu vas oublier à cause du Colisée des Uvets et toutes sortes d'autres facteurs, parce qu'il y a maintenant la Ligue américaine, il y a tout près à Boisbriand la Ligue junior majeure du Québec. Il y aurait eu une époque Saint-Jérôme. On pense la TUC. On pense également Lévis. Tu as été le premier à apporter le flambeau pour en parler. L'ancienne Lorette, c'est vieux de 5 ans, l'histoire, avec Donald Brashear et les autres qui sont avec ce complexe trois glaces. Mais à travers tout ça, faut pas oublier une chose importante. Ça te prend un amphithéâtre, Danny, qui a au moins 1500 places. Okay. Parce que ça te prend au moins 1100 spectateurs payant en moyenne 10$ de la tête par match pour payer ton équipe pour les deux matchs de fin de semaine, tes joueurs. Mmh. En plus, on te doit d'avoir la chance de t'octroyer les concessions de restaurants ou de bars, ou les deux, et aussi les ventes sur la bande et sur la glace. Laval, par deux fois l'an passé, a tenté de quitter en milieu de saison et en série. Il serait peut-être encore là cette année s'ils avaient pu aller à Saint-Roch-de-Lachigan. Nouveau complexe, trois glaces ouvertes à une quarantaine de kilomètres de Laval, en amont vers Joliette. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas donner les concessions de bars et restaurants et les banques. À ce moment-là, l'équipe Laval n'y est jamais allée. C'est important. Sorel est le plus bel exemple. Demain matin, je serai commissaire, tu me demanderais quelle équipe je dois prendre en considération pour copier et faire pareil. Sorel est la plus belle réussite parce qu'ils ont près de 300 000 $ de vente de logos sur glace, sur bande, dans les marches, dans les toilettes, en plus, mon ami, dans les loges. Et aussi, ils ont les deux restaurants et les deux bars. Donc, si Christian Deschênes et son équipe, à défaut du 1100, vont chercher une moyenne de 1000, il n'est pas perdant. Non. Il est gagnant à cause de ses concessions. Il faut, en 2018, une nouvelle concession dans cette Ligue nord-américaine et le budget opérationnel se situe entre, je te dirais, 700 000 et 850 000. À part Rivière-du-Loup et Jonquière, un peu plus cher. Mais il te faut absolument donner les concessions de bars et de restaurants et également avoir toute la latitude des marches, des bandes et des logos sur la glace. Oui, c'est clair. En terminant, un peu plus que tu parles de Sorel, c'est en fin de semaine les funérailles de Normand Gravel, c'est ça? Oui, celui qui était le monsieur moitié-moitié, qui est décédé déjà depuis deux matchs, son frère et son neveu vendent les billets moitié-moitié. Il y a beaucoup de gratitude autour de Normand Gravel. Les joueurs portent toujours le fameux sticker, comme on appelle là, le collant, style billet moitié-moitié avec son nom sur le casque. Il y a le collant dans la vitre à l'entrée du Colisée, l'emplacement où il travaillait, qui est toujours là à son effigie. Oui, il y aurait un petit peu de nostalgie en fin de semaine, mais il y a des gens, même un, pour le nommer Jean Boivin, qui a repris dans les pages de Daniel Danny Ouellet les pronostics de match pour Normand Gravel pour continuer parler de lui. Et il y a les pointages possibles de fin de semaine qui ont été mis la fin de semaine dernière, qui vont l'être encore cette fin de semaine. Donc, on veut garder frais la mémoire ce bonhomme jovial et sympathique qui était Normand Gravel. Effectivement. Gilles, on s'en parle la semaine prochaine? Oui, parce qu'oublie pas que mardi prochain, il y a une autre assemblée de la Ligue nord-américaine. Et en plus, là, on va te faire plaisir. On va parler, Danny, des vraies choses. Les budgets. Les budgets, puis la date limite des échanges, c'est quand? Hein? Ça va être bientôt. La date limite des transactions est ce mardi, aujourd'hui, 20h. Ah, OK. Est-ce que, rapidement, Gilles, est-ce que tu t'attends à beaucoup de mouvements? Non, je ne pense pas que ça va bouger beaucoup. On le saura dans la dernière heure. Je pense que plusieurs équipes sont gourmandes, d'autres veulent moins. Je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup trop de changements d'ici. En plus, faut expliquer aux gens en même temps que si tu as un joueur sur ta liste de réserve repêché qui l'a été le 5 août dernier, qui n'a toujours pas joué un match, ça se termine le 31 janvier à 23h59. Donc, il faut que le match suivant, donc les équipes jouent le 2 ou le 3 ou le premier, faut que le joueur joue un premier match par la suite. Et là, tout février et mars jusqu'au 4 pour jouer les quatre autres matchs. Je te donne un exemple. Tommy Veilleux, blessé au camp d'entraînement pour Saint-Georges, n'a toujours pas joué un match. Tommy Veilleux, on nous a assuré qu'il va être habillé en fin de semaine pour jouer un match avant la date butoir parce que le week-end suivant, dans son cas, devient 2 et 3 février. Donc, en l'habillant cette fin de semaine comme vendredi, Thetford à Jonquière, même s'il reste sur le banc, et fait une ou deux petites présences, il est dans l'alignement, il aura joué son match, va être éligible pour les séries du moment que, entre le 5 février et le 4 mars, il va jouer les quatre autres mars. Un exemple aussi en terminant, John Mairesti a joué le 5 et 6 octobre, Mairesti a promis un retour 2-3 février, il va jouer 3 et 4e match, il devra en jouer un d'ici le 4 mars prochain pour être éligible pour Trois-Rivières pour les séries éliminatoires. OK. Gilles, on se reparle la semaine prochaine. Ben, bonne semaine. Voilà, Gilles Péloquin de CJSO à Sorel, Monsieur Ligue Nord-Américaine de hockey.